Selon un rapport publié au mois de septembre, 4 espèces de grands singes sont à un pas de l'extinction. Le gorille et l'orang-outan seraient donc sur le point de disparaître de la surface de la Terre, alors même que nos plus proches cousins sur l'échelle de l'évolution démontrent, étude après étude, une proximité de plus en plus grande avec nous, les humains. La dernière étude en date étant la théorie de l'esprit ou la capacité d'attribuer des croyances et des espérances à d'autres individus, faculté que des chercheurs viennent de démontrer chez le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. Qu'est-ce qui nous différencie des grands singes? C'est le problème plus compliqué qu'il n'y paraît que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette grande cousinade de l'évolution, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table Marie-Claude Bumsel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire, professeur honoraire au Muséum d'Histoire Naturelle, ex-présidente de l'Institut Jane Goodall France et auteur de « Mon histoire naturelle vétérinaire auprès des animaux sauvages ». C'est aux éditions Artaud. Et nous sommes également ravis d'accueillir Emmanuel Grunemann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes primatologue et journaliste. Nous sommes évidemment, comme chaque jour, en direct sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur le compte @laméthodefc. Et pour commencer cette émission consacrée à nos cousins les grands singes, à nos cousins les plus proches, j'aimerais vous demander à l'une et à l'autre, finalement quelque chose qui relève un peu de votre expérience personnelle, quel est le trait qui vous touche ou qui vous stupéfie le plus encore aujourd'hui, l'une et l'autre, chez les grands singes que vous avez côtoyés, Marie-Claude Bumsel? Le regard, c'est banal, mais c'est certain. J'ai la chance, moi, de revenir là. Il y a une semaine, j'étais au Rwanda. Je suis pas fanatique des gorilles. Je préfère les orang-outans. Mais je peux vous dire, et pourtant, il ne faut pas croiser le regard des grands singes, tout au moins des grands mâles, parce qu'ils peuvent être violents. Mais quand vous avez la chance, quand même, de le croiser, ou alors celui des mères ou des jeunes, vous êtes absolument émerveillés. C'est toute l'humanité des grands singes qui va se refléter dans leur regard. L'humanité. Bah, tout à fait. Tout à fait. Et Madame Grunemann? Pas être très original non plus, on en rediscutait parce que j'avais pu aussi aller au Rwanda et c'est vrai qu'avant j'avais côtoyé plus longuement les orang-outans. Et c'est pareil, j'ai un petit faible quand même pour les orang-outans. Mais c'est vrai que cette rencontre avec les gorilles de montagne en particulier, moi d'abord il y a le milieu qui est assez extraordinaire, il y a cette approche qui dure souvent assez longtemps. Mmh. Et dans cette brume, il y a tout un côté assez magique et quand on arrive et qu'on croise ce regard, c'est vrai qu'il y a toujours une magie et qui est probablement un des plus beaux souvenirs. Plus la douceur des gestes. Oui, insistons, Emmanuel vous le dirait aussi. Des gorilles sauvages, oui, également. Des gorilles sauvages de quels que soient les grands singes. Il y a chimpanzés, mais chimpanzés, on va peut-être... On sait tous que les chimpanzés... Quand même, Jane Goodall serait là, elle me gronderait, mais elle le sait aussi. En dehors d'eux, les autres, c'est vraiment cette douceur de gestes que nous avons perdue, nous. Mais c'est vrai qu'on a calqué un peu cette image... Enfin, on a eu ce fantasme de King Kong pendant des années, et ce monstre sanguinaire, et en fait, quand on est face à ces gorilles, c'est vrai qu'en plus, c'est le plus gros, donc c'est probablement le plus impressionnant. Et en fait, c'est juste des bons gros géants. Alors, évidemment, ils peuvent être violents, il ne faut pas non plus être naïf, mais ils sont là assis sur leur garde-manger avec cette douceur, ce côté assez paisible qui est assez impressionnant, oui. Alors, pour pouvoir réfléchir à cette question de ce qui nous différencie des grands singes, puisque c'est l'intitulé du problème de cette émission du jour, des grands singes avec lesquels, je le rappelle, nous partageons pour la plupart plus de 97% de notre patrimoine génétique, eh bien encore faut-il faire un peu de taxonomie et d'évolution. Je vous propose pour cela de plonger tout de suite dans notre boîte à archives, grâce, comme chaque jour, à notre partenaire, le CNRS Images, avec cet extrait d'un film de 1995, curieusement vôtre, extrait dans lequel le paléontologue Jean Chaline répond à l'éternelle question « Est-ce que l'homme descend du singe ?» Il est maintenant indiscutable que l'homme descend indiscutablement d'un singe. Nous en avons les preuves irréfutables, et les preuves même qui sont indélébiles dans la mesure où elles sont inscrites dans nos gènes et dans nos chromosomes. Pour ce qui est des gènes, les gènes de l'homme et du chimpanzé sont identiques à 99%, c'est-à-dire qu'ils ne diffèrent que par 1%. Et dans les chromosomes, nous avons 7 mutations chromosomiques identique, situé au même endroit sur les mêmes chromosomes, avec le chimpanzé, avec le gorille. C'est-à-dire que c'est une preuve absolument écrite dans, dans toutes les cellules de notre organisme que nous avons eu un ancêtre commun. Et cet ancêtre commun, c'est la quête de tous les paléontologues. Voilà, Jean Chaline, on est en 1995, alors Marie-Claude Bomsel, Emmanuel Grundmann, est-ce que depuis 1995 nos connaissances ont évolué? On parlait de 99% du génome commun avec le chimpanzé, on a affiné un peu, et puis finalement cette question, est-ce que l'homme descend effectivement du singe? Non, il n'en est qu'un cousin, il n'en descend pas, on sait en fait qu'il a dérivé de l'homme il y a à peu près 18 millions d'années, que le gorille a 18 à 15 millions, on n'est plus à 3 millions près, nous, dans l'évolution. On sait en fait que le orang-outan et l'homme se sont décalés. Ensuite, le gorille, 9 à 10 millions d'années et 6 millions seulement de différence avec chimpanzé, bonobo et nous. Mais nous sommes des cousins sur les branches de l'évolution. Nous ne descendons pas du singe, contrairement à ce qu'on dit et qui crée d'ailleurs une haine du singe chez les gens, alors que ce sont des animaux tellement proches, en proches cousins. Et Emmanuel Grundmann, donc aujourd'hui, on est à peu près sûr de cet arbre phylogénétique, il ne bouge plus. Il bougera toujours parce que plus les découvertes s'affinent, plus les méthodes aussi scientifiques s'affinent, plus on va aller vers une précision. Et après, évidemment, on va en reparler, il y a toute l'étude comportementale parce que quelque part, voilà. Même si on a découvert énormément de choses et qu'on en découvre quasiment tous les jours, on en est encore presque qu'au balbutiement. En fait, la primatologie, on peut dire que c'est une discipline qui est assez récente. Ouais. Et c'est vrai que c'est dans cette quête, en fait, qui a commencé avec la quête du chaînon manquant, qu'on a commencé véritablement à s'intéresser aux grands singes avec d'abord une vision assez étriquée, en fait, liée aussi à tout notre patrimoine culturel, religieux, etc. Et c'est assez rigolo d'ailleurs de voir comment on a commencé à s'intéresser à ces espèces. Alors comment justement a-t-on commencé à s'intéresser à ces espèces ? Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est l'hominisation de notre histoire nous a toujours fascinés et on voulait trouver ce fameux chaînon manquant, ce fossile du premier hominidé. Et puis à l'époque, on était fin du 19e, début du 20e, l'idée c'était quand même de trouver un fossile qui soit pas vraiment africain parce que ça nous embêtait un peu, valait mieux qu'il soit un peu européen quand même. En rappelant que Darwin juste pour compléter, n'oublions pas que Darwin venait d'annoncer que nous étions si proches de ça. Je te laisse. Et du coup, c'est vrai que on était dans ce climat-là. Et en 1912, miracle, on trouve un fossile fabuleux avec un crâne déjà plutôt bien rempli, une mâchoire plutôt simiesque. Alors là, miracle, il était anglais. C'était le fameux chaînon manquant, qui est l'un des plus grands canulars de l'histoire. Oui, le fameux homme de Piltdown. Et c'est suite à ça, alors évidemment, il y a eu plein de rebondissements, mais c'est suite à ça où les paléoanthropologues et certains comme Louis Leakey et sa femme se sont dit, pourquoi on ne va pas voir du côté de nos plus proches cousins, en l'occurrence les grands singes, voir, essayer de mieux les comprendre pour mieux comprendre notre histoire, et d'où après l'arrivée sur le terrain de primatologues comme Jane Goodall, Diane Fossé, Birute Galdikas. Et en parallèle, il y avait aussi les Japonais qui, eux, avaient aussi commencé des études de terrain parce qu'ils n'avaient pas le même antécédent culturel et religieux. Et donc pour eux, le fait qu'on soit cousins ne les gênait pas plus que ça. Et donc il y a ces deux courants d'études en parallèle qui ont débuté dans les années 60. Et à partir de là, les découvertes se sont succédées et toutes ces frontières qu'on avait érigées entre eux et nous ont commencé petit à petit à s'effriter jusqu'à aujourd'hui. Et puis on va voir qu'elle vacille de plus en plus. Marie-Claude Bomsel, pour revenir tout de même un peu sur cette histoire un peu évolutive, vous dites que la première différenciation, c'est l'orang-outan. Le gibbon, on le met complètement à l'extérieur de cette... Tout à fait. Maintenant, on a décidé, lui au moins, il n'y a pas de doute, ce sont les hylobatidés, ils sont tout à fait éloignés de nous. Reste après la famille des hominoïdés. Dans ceci, il y a l'orang-outan qui est après discussion. Bon, alors là, les systématiciens au muséum, parce que nous sommes plus, nous, Emmanuel et moi, des comportementalistes, comme vous l'avez expliqué, la primatologie l'anthropologie a démarré son comportementalisme. Après, nous avons été rejoints par les génétiques. Mmh. Et là, il y avait des discussions, je me souviens, vraiment graves au muséum, mais définitivement, l'orang-outan, qui s'est donc séparé beaucoup plus bien, il y a bien plus longtemps, mmh. est un pongidé. Ensuite, nous arrivons donc à la famille des hominidés, où là, le gorille est sorti également, bon, finalement, on l'a mis dans les gorillinidés, et reste chimpanzés et hommes, qui eux sont des hominidés. Pour nous, pas pour les Américains. Les Américains laissent les panidés de l'autre côté, ils mettent les chimpanzés de l'autre côté. On voit là des actions politiques et sociales, car dès que vous touchez au grand singe, il y a des actions politiques et sociales. Mmh. Quand Emmanuel vous dit que c'est au 19e, on sait que dès le 17e, on en a eu au muséum, comme le Joko de Buffon, il y a eu des dissections de chimpanzés, on les appelait pygmées, sous-hommes. Petit à petit, d'ailleurs, le 18e a jeté un peu bas toutes ses connaissances en disant, bon, je dirais pas que c'est des sales bêtes, mais presque, on les a cachées. Et donc, on arrive à Darwin, puis tout ce dont vous a parlé Emmanuel. C'est une très grande difficulté. Bon, moi, j'ai travaillé longtemps en parc zoologique, de voir notre proximité avec les grands singes. C'est une véritable gêne, car je vous parlais d'humanité des grands singes. Et là, les gens veulent voir la bestialité plus dans le grand singe pour nous séparer. Non, nous sommes les chimpanzés et nous, des hominidés. Il n'y a rien à faire. Et comment est-ce que vous expliquez l'une et l'autre cette différence de classification phylogénétique du chimpanzé en Europe et aux États-Unis, Emmanuel Grundmann? Oui, mais on est sur un groupe d'animaux qui pose des problèmes parce qu'on est à la fois trop proche et il y a vraiment cet héritage judéo-chrétien qui fait qu'on n'a pas tellement envie d'être assimilé à des singes. Et il y a toujours eu, d'ailleurs c'est rigolo de voir toutes ces expressions qui sont où le mot singe apparaît depuis le Moyen-Âge, malin comme un singe, et malin c'était le diable au départ, c'était pas du tout la ruse qui est arrivée plus tard. Toutes ces expressions le singe, c'était vraiment un animal qu'on rejetait parce qu'il était trop proche. Et c'est vrai qu'on voit encore aujourd'hui, en fait, il fascine à la fois, mais il y a une gêne et les gens sont toujours partagés entre cette dualité. Hein. Mmh. Et du coup, ça pose problème. Et aux États-Unis, on a quand même un contexte un peu compliqué avec, on va dire, les évolutionnistes d'un côté, les créationnistes de l'autre. Et c'est vrai que du coup, là, reviennent en force ces questions sur la classification qui cristallisent un peu toutes ces croyances. De toute façon, la génétique a modifié progressivement et elle est continuellement en évolution. Ce que vous disiez, Emmanuel, toujours, c'est nous qui gagnerons, les Européens, et c'est certain. Mais après, il y a des arrangements, non pas avec le Seigneur, mais avec la société qui croit certains seigneurs. Parce que, par exemple, justement, en termes génétiques, on sait aujourd'hui la proximité du patrimoine génétique de l'être humain et du chimpanzé. Elle est établie à combien? 98,7 97 à peu près. 97 Oui. D'accord. 97,98. Avec le chimpanzé. Voilà, avec le chimpanzé. Avec l'orang-outan? 96, c'est pas autant que ça. Alors là, je reviens moi sur le fait que nous ne sommes pas des généticiennes pures et dures. Hein. C'est très complexe car eux-mêmes sont en désaccord, mais c'est à peu près ça. Oui. Et le gorille, donc entre les deux? Les deux, si je puis dire. Mais là, vous savez, les codes génétiques sont... pas aussi, ça semble beaucoup plus facile de les serrer quand vous ne parlez qu'à des généticiens. Dès que vous vous mettez à parler avec des primatologues et des comportementalistes, car ça intervient aussi pour ce qui est classification, là, ça peut changer un peu. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'échantillonnage encore. On a une explication pour la répartition territoriale, pour le fait que les orang-outans qui se sont séparés ne sont qu'en Asie, alors que la plupart des grands singes vivent en Afrique. Mais autrefois, il y a plus de 20 millions d'années, les grands singes j'étais partout, y compris d'ailleurs dans une partie de l'Europe, puis c'était en Eurasie, en Afrique. Et puis, en fait, la dérive des continents, le changement climatique a fait qu'ils ont dû se réfugier dans les endroits, puisqu'ils sont absolument inféodés aux forêts tropicales, où il y avait de la forêt tropicale. Donc, on s'est retrouvé presque automatiquement, si je puis dire, sur une toute petite partie de l'Asie du Sud-Est. Ça n'est pas un hasard non plus, d'ailleurs, s'il y a les îles aux Batidées, les fameux gibbons, qui sont dans le même lieu de chaud tropical. Et en Afrique, on s'est retrouvé automatiquement avec gorilles, chimpanzés et bonobos, qui sont une petite partie des chimpanzés, dans ce lieu-là. C'est simplement l'évolution du climat et de la dérive des continents qui a donné cette obligation. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons des grands singes aujourd'hui dans la méthode scientifique avec Marie-Claude Bomsel, docteur vétérinaire et professeur honoraire au Muséum d'Histoire Naturelle, et Emmanuel Grunemann, primatologue et journaliste. Après donc la phylogénétique et l'évolution, on va faire maintenant un peu de taxonomie. On va prendre discipline par discipline à propos de ces grands singes. On en compte donc 5 espèces, puisque enfin le gibbon est un grand singe, mais il s'est séparé plutôt... 6 espèces. 6. Non, et le gibbon est à part. C'est le gylobatidé, mais il y a 2 espèces de gorilles, gorilles des plaines de l'ouest et de l'est. Vous avez les 2 espèces de chimpanzés, si on considère que le bonobo est un chimpanzé. 2 espèces d'orang-outans, Sumatra et Bornéo. Pardon. Et donc, quoi de mieux pour apprendre à connaître ces grands singes que d'aller à leur rencontre? Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Vous êtes allée bien précisément à la singerie du Muséum d'Histoire Naturelle pour rencontrer une star. Oui, elle a 47 ans, c'est la doyenne de son espèce et comme vous le dites, c'est une véritable star. Je parle de Nénette, une orang-outan que vous connaissez d'ailleurs bien, Marie-Claude Bomsel. Tout à fait. Puisque vous êtes occupée d'elle à son arrivée à Paris, quand elle était alors toute petite, elle venait d'arriver de son île natale de Bornéo. Aujourd'hui, c'est une grande dame, elle vit avec ses compagnons, Théodora et Bangui, un couple d'adolescents, et Tamou, la fille de Théodora. Et donc, cette singerie, donc, ce n'est pas un zoo, Céline, mais un lieu d'études. Exactement, un lieu de recherche, un laboratoire vétérinaire dans la ménagerie. J'ai rencontré Aude Bourgeois qui coordonne des activités pour les étudier. Avec les soigneurs, elles font de l'entraînement médical sur les orang-outans, mais aussi sur d'autres singes. L'objectif est de leur faire faire des exercices pour évaluer leur capacité d'apprentissage, des activités manuelles et motrices, mais aussi des exercices un peu plus cognitifs pour tester la mémoire et la stratégie. Alors tout ça sous forme de jeu et dans la bonne humeur. Et vous allez entendre, c'est un peu comme pour les humains, les performances, qui sont d'ailleurs très bonnes, dépendent surtout de leur motivation. Voilà, vous avez Nénette qui est juste là. Bonjour Nénette, elle est impressionnante. Ouais, Nénette, elle est impressionnante. Et elle vient nous voir d'ailleurs. Elle se demande ce qui se passe. C'est vraiment une star. Elle a l'habitude d'avoir un public. Et voilà, on voit qu'elle a sa tête du matin aussi. Hein. Elle vient de se réveiller. Voilà, elle s'est réveillée il n'y a pas trop longtemps. Donc c'est un peu plus dur aussi de se mettre en marche. Et puis on a Théodora et Tamou. Donc Théodora est la mère de Tamou. Théodora a 28 ans et Tamou a 12 ans. Et donc aussi, elle est dans l'adolescence. Et en fait, on a reçu Bangui dans l'idée d'avoir un compagnon de jeu pour Tamou, parce que Tamou commençait à s'ennuyer. On a des gros espoirs pour avoir un petit, parce que quand Bangui est arrivé cet été, il était absolument... Il est tombé amoureux, en fait, de Théodora. Donc, tombé amoureux. Mais on peut dire ça, qu'il est vraiment tombé amoureux. C'était le coup de foudre, ils sont... Ils sont inséparables, là. Ah, ils étaient inséparables, c'est-à-dire qu'ils se sont vus et au premier regard, ils ne se sont plus lâchés. C'était assez impressionnant, mais plus lâchés dans le sens où dès qu'elle se déplaçait, il la tenait soit par la main, soit par les poils, soit par un pied, pour ne pas la quitter. On peut les voir là, les deux ? Alors, les deux, ils sont à l'extérieur. Donc là, on sort de la singerie et on va faire le tour pour aller voir l'enclos extérieur de la singerie. Où normalement on va retrouver Bangui, le mâle, Théodora et Tamou. Donc là, comme c'est bientôt l'hiver, on a fermé, c'est un toit coulissant, donc on l'a déjà fermé. Comme ça, ils sont un peu quand même à l'abri des courants d'air. Ça leur permet aussi de profiter de l'extérieur et du soleil sans avoir trop froid. Donc là, on voit qu'ils sont mis au soleil. Donc celle qui est... en haut, là, adossé à une corde et contre le tronc d'arbre, c'est Théodora. En dessous, juste en dessous, c'est Bangui. Vous voyez, il est vraiment juste à côté d'elle. Et bon, si elle se déplace, généralement, il va se déplacer pas trop loin d'elle. Bonjour Théodora. Elle est belle. Elle est très belle. Elle nous a appelé. Elle cogne à la vitre pour nous dire eh oh, venez me voir. Alors, elle est pareil, très curieuse. Elle est intriguée, là, je pense. Elle est intriguée, et puis elle est toujours dans l'observation. Elle regarde ce qu'on fait. Donc Théodora, la maman, et Tamou, sa fille. Et elles sont toutes les deux vraiment très, très curieuses. Et puis, elles sont aussi... elles me reconnaissent aussi parce qu'on a des liens aussi privilégiés. Et du coup, c'est vrai qu'elles viennent dire bonjour tous les matins. En fait, avec elles, avec tous les orang-outans, on fait ce qu'on appelle de l'entraînement médical. Donc en fait, on les habitue à participer aux soins et à la gestion de tous les jours. On ne veut pas les forcer, donc on leur laisse le choix de participer ou pas. S'ils viennent, eh ben on leur donne une récompense. Et s'ils viennent pas, ils ont rien du tout, mais ils n'ont pas de punition, ils n'ont rien. Voilà. Donc tous les jours, on les entraîne à venir nous voir à travers une grille. Et puis on leur apprend à faire des choses, à nous présenter les mains, les pieds, la tête, voilà, etc. Et ils ont une bonne capacité d'apprentissage. Excellente. Excellente en fonction de l'âge et des individus. Tamou, en une séance, qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure, en une séance, on peut lui apprendre un nouveau geste. Donc elle est vraiment impressionnante. Et puis ça dépend de leur motivation aussi à venir ou pas. Là vous voyez qu'il s'est passé quelque chose, ils sont tous pas repartis. En fait les soigneurs ont ouvert la trappe en haut, certainement ils ont terminé de nettoyer de l'autre côté. Et donc les orang-outans se précipitent de l'autre côté. On va aller voir ce qui se passe. Peut-être que les soigneurs ont mis quelque chose à l'intérieur qui fait que les orang-outans ont très envie d'aller. Friandise. C'est possible. Ou peut-être pas, ça dépend des moments. Alors là, effectivement, on voit que Tamou a récupéré, je crois que c'est des graines. Et dans la nature, il mange beaucoup de... Il mange des fruits, en fait. Il mange des feuillages. Mais les fruits qu'on trouve dans la nature, là où ils sont, sont beaucoup moins sucrés que les fruits qu'on trouve, nous, dans le commerce, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on donne plutôt des végétaux. On leur impose un régime. Il faut savoir qu'il y a quelques années, moi j'étais pas là, mais on m'a raconté qu'effectivement les orang-outans avaient des tartines de sindoux, des gâteaux, donc c'est plus le cas actuellement. Et d'ailleurs à l'époque, il y a longtemps, on pensait qu'un orang-outan vivait pas plus d'une dizaine d'années. Voilà, parce qu'on savait pas s'en occuper. Et puis les orang-outans en captivité vivaient pas très longtemps. Et en fait, avec l'avancée des connaissances, les observations dans le milieu naturel, on a su adapter leur régime alimentaire, la manière de s'occuper d'eux. Et d'un point de vue pédagogique, on explique toujours pourquoi. Et effectivement, pour éviter d'avoir des orang-outans obèses, éviter d'avoir des problèmes justement de diabète ou de maladies qui se développent, on a revu les régimes alimentaires. Donc beaucoup... C'est un peu comme nous, quoi. Bah, c'est tout à fait comme nous. Et effectivement, quand on laisse le choix à un enfant entre une pomme ou un bonbon, il va choisir le bonbon. Là, on va rentrer dans les coulisses, donc là, l'accès au couloir de travail des soigneurs. Alors, on va aller voir les orang-outans. Hop, j'ouvre, mais rassurez-vous, il y a une grille derrière. Ah bah oui, il y a Tamou. Coucou Tamou. Alors attention, parce qu'il ne faut pas trop s'approcher, sinon elle va chercher à prendre le micro. Elle est assez joueuse et elle aime bien... voilà, elle a envie que d'une chose, c'est d'attraper le micro pour aller jouer avec. Et pour aller jouer avec, c'est morte dedans. Là, il y a Bangui qui vient nous voir. Bonjour Bangui. Alors c'est vrai qu'on a envie d'interagir avec eux, les toucher, mais strictement interdit. Voilà, le reportage de Céline Lezen qui a provoqué un certain nombre de réactions en studio. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Marie-Claude Bonsel et Emmanuel Grunemann, de ce reportage qui vous a fait sourire à plein d'égards? C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai connu une Annette toute jeune, puisqu'elle... Racontez-nous alors, c'est arrivé à Paris. Elle est arrivée à cette époque, hélas, on prenait les animaux dans la nature. Ça fait partie, d'ailleurs, c'est une des rares survivantes, j'allais dire, des ces animaux qu'on prélevait dans la nature pour les mettre dans les zoos. C'est fini, désormais. Les populations de zoos se reproduisent. Il y a à peu près, les orang-outans, il y en a 800 à peu près en Europe. Ils se reproduisent entre eux et tout. Mais bon, à cette époque, donc, c'était comme ça. Et j'ai encore souvenir de la voir arriver dans des cages. C'était très triste avec son mâle de l'époque. Et effectivement, à cette époque aussi, on m'expliquait, les vieux soigneurs, qu'il fallait leur donner du sindoux, du bien gras, des choses, des bonbons, des choses. Et ça a été très, très difficile de revenir à un état naturel, si tant est que ce soit un état naturel, car nous avons tous conscience que, malheureusement, la singerie de la ménagerie est en plus un peu vétuste, elle l'était encore plus à cette époque, mais on a appris, grâce à tous les travaux qui ont été faits dans la nature, à les nourrir infiniment mieux. On a appris également que c'était des solitaires, contrairement aux gorilles, car à cette époque aussi, tout était confondu. C'est, je vous parle seulement dans les années, faut pas, je suis pas si vieille hein, quand même, dans les années 70-80, c'était, bon, c'était tous les mêmes et tous, on avait encore des gorilles qui venaient du docteur Schweitzer, le bon docteur Schweitzer, qui avait été élevé au biberon, trimballé de droite et de gauche, gauche qui était complètement névrosée, qui se mangeait les doigts, c'était horrible. Il y a eu un énorme travail sur l'alimentation, sur le comportement. On a appris effectivement que les orang-outans vivaient en hauteur, qu'il fallait qu'ils soient beaucoup plus solitaires, qu'ils fassent plus faire leur nid, car tous les grands singes font des nids à certains endroits tout seuls, et pouvoir avoir des caches, car même si les deux amoureux, faut que de temps en temps ils soient un peu plus solitaires. Ouais. Mais c'est assez logique, hein. Au départ, il y a un mouvement comme ça, et ainsi de suite. Donc ça nous a... C'est toujours très drôle parce que je fais exactement comme Aude. Hein. Mm-hmm. Si je parle de Nénette, je suis immédiatement anthropomorphique comme vous pourriez l'être. Je veux dire, vous voyez, toujours la dualité homme-singe. Mm-hmm. Et quand on écoute, c'est pour ça qu'on sourit un peu, parce que on dirait une maman qui parle de ses copains. Je fais pareil. Hein. Mm-hmm. Je fais pareil. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Marie-Claude Bomsel, parce que c'est quasi impossible de ne pas avoir de réflexe anthropomorphique quand on s'occupe des grands singes. Or, est-ce que c'est pas un biais cognitif de s'occuper des grands singes en projetant forcément une part anthropomorphique sur leur comportement? Je crois que c'est Franz De Waal qui parlait de l'anthropodéni à force de vouloir justement lutter contre l'anthropomorphisme, parce que lui a beaucoup travaillé en captivité, mais sur la politique chez les chimpanzés, sur la réconciliation, et on lui reprochait de parler par exemple de réconciliation chez les grands singes. Il disait, mais attendez, je vais pas faire une périphrase pour parler de quelque chose qui a un mot précis pour le décrire. Et on a tendance, justement, par peur d'anthropomorphisme, à faire l'inverse. Mmh. Et c'est vrai qu'une des grandes, on va dire, alors je sais pas si c'est une découverte, mais enfin, un des grands changements aussi qui a été amené par toutes ces recherches et toutes ces découvertes, c'est qu'on s'est aperçu que finalement, d'abord, c'était des individus avec des personnalités toutes différentes. Quand on voit Nénette, c'est juste évident, mais dans la nature, c'est pareil. Au bout de pas très longtemps, on les reconnaît tous. Déjà, ils ont tous des visages qui sont différents les uns des autres, mais c'est vrai chez tous les animaux. Alors, c'est peut-être moins facile chez une mouette, ou voilà, mais malgré tout, c'est tous des individus différents, et en tant que tels, ils ont des comportements différents, et c'est en étudiant justement, non pas un groupe, mais chaque individu avec ses anecdotes et ses parcours individuels, qu'on est arrivé aussi à des découvertes. Tout le monde n'est pas Einstein ou Newton, et chez les grands singes, c'est la même chose. Souvent, justement, l'utilisation d'un nouvel outil ou d'une nouvelle compétence passe par justement l'invention chez un individu. Alors, c'est pas chez les grands singes, mais ça a beaucoup été étudié chez les macaques du Japon, où c'est une femelle qui s'appelle Imo qui a commencé un jour à laver une patate douce qui était dans le sable. Enfin, elle l'a jetée dans l'eau par pur hasard, et elle s'est aperçue que c'était quand même plus agréable de la croquer parce qu'il n'y avait pas les grains de sable. Et puis après, elle l'a mis dans l'eau de mer parce qu'en plus c'était salé, hein. Et donc ça s'est transmis à toute sa descendance. Ça a été répliqué. Voilà. Et c'est la même chose chez les grands singes. Et sauf que si on passe à côté de ces anecdotes, ce qu'on a reproché d'ailleurs au départ à Jane Goodall, hein, en lui disant mais ce que vous nous décrivez sur la pêche aux termites et aux fourmis, mais ce sont que des anecdotes, vous avez mal observé, etc. Ça a été encore plus critiqué lorsqu'elle s'est attachée à décrire des comportements d'une extrême violence entre communautés de chimpanzés, où il y avait véritablement des guerres en fait entre communautés et des assassinats. Et on lui a reproché justement ce côté anecdotique, et en fait on s'est aperçu au fil du temps que c'est justement ces anecdotes qui constituaient de l'individualité. Par exemple, on entendait dans le reportage dire que deux orang-outans, que Tamou est tombé amoureux. C'est de la projection, ou est-ce qu'on atteste aujourd'hui d'une forme de sentiment d'attachement qui soit... Alors, caractérisable comme de l'amour? Non, mais ça pose une question qui est une question sérieuse. C'est toujours difficile parce qu'on n'est pas dans leur tête. Je pense qu'il y a une partie de projection malgré tout. Hein. Mais là, il y a une étude assez récente qui est sortie sur le fait que les chimpanzés sont moins stressés en compagnie de compagnons proches, qui leur sont attachés. Et du coup, ça limite le stress. Et donc, il y a cette amitié qui a un rôle véritable dans leur vie quotidienne. Et là, on parle véritablement d'amitié et de lien d'amitié. Surtout pour les orang-outans, juste. Hein. Pour les orang-outans qui sont réputés solitaires, c'est vrai que c'est plus difficile à dire. Mais c'est parce que aussi, là également, c'est un des rares singes qu'on a accusé de viol, à l'inverse. Mmh. Sous prétexte que les mâles étaient beaucoup plus gros, ils croisaient effectivement dans les forêts de Bornéo très rarement des femelles, et ils faisaient parfois un petit peu, non pas de violence conjugale, mais un petit peu de violence pour saillir la femelle. Non, là, J'irai pas, moi, personnellement, jusqu'au terme d'amoureux, parce que je suis à la radio. Bien sûr que si j'étais à la place d'autres, je le dirais avec mes soigneurs. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Mais il y a indiscutablement un sentiment très fort qui peut lier brusquement deux individus l'un avec l'autre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Ape is Wild, le singe est sauvage. C'est un morceau sélectionné par notre réalisatrice Elisabeth Miro de Marianne Élise. Vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture et nous parlons avec Marie-Claude Bomsel, docteur vétérinaire, professeur honoraire au Muséum d'Histoire Naturelle, et Emmanuel Grunemann, primatologue et journaliste des grands singes. Quel est l'état de nos connaissances en termes de capacité cognitive des grands singes? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? C'est une vaste question. Prenons l'orang-outan, par exemple, aujourd'hui. Que sait-on de ses capacités ou de ses limites affectives, émotionnelles et intellectuelles, Emmanuel? Alors, l'orang-outan, c'est un cas vraiment intéressant parce que pendant longtemps, on l'a un peu affublé d'un bonnet d'âne parce que dans la nature, il faisait pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose à part se nourrir, faire son nid pour dormir le soir, voilà, mener sa petite vie, mais il faisait pas d'outils. Et l'outil, c'était vraiment le comportement clé à la suite des premières découvertes donc de Jane Goodall, puis des primatologues japonais, en particulier Nishida. Et là, l'orang-outan, c'était vraiment un paradoxe, parce que dans la nature, il faisait pas d'outils, à part deux, trois petits chapeaux en feuilles pour se protéger de la pluie. Et en captivité, je crois que c'est Yerkes qui l'appelait le génie de la mécanique, parce qu'il était capable de tout démonter. Et contrairement aux chimpanzés, qui sont un peu désordonnés, qui font un peu tout dans tous les sens, l'orang-outan, lui, il est super posé. Et puis, on a l'impression, alors c'est pareil, on calque probablement, mais je pense que là, il y a un fond de vérité, comme il semble réfléchir, et puis tout d'un coup, il s'active, et là, il résout le problème, genre démonter sa porte ou ce genre de choses, et s'évader. Particulièrement doux. Voilà. Pour démonter les portes. Oh, tout à fait. Pour démonter. D'accord. Et donc, du coup, c'était un peu un paradoxe, parce qu'il avait l'air d'être assez génial en captivité, puis alors, dans la nature, rien du tout. Et là où c'est assez intéressant, c'est que on a commencé à faire de nouvelles études, et en particulier à Sumatra, dans une zone marécageuse, dans les montagnes Loiser, dans un marécage qui s'appelle Cluette. Et là, on s'est aperçu que les orang-outans, contrairement aux autres orang-outans, n'étaient pas vraiment solitaires, mais qui vivaient en petite communauté. Et là, ils avaient tout un kit d'outils, notamment des sortes de pieds de biche faits de brindilles pour ouvrir des fruits. Alors ça s'appelle un chemengang, c'est un petit fruit qui est difficile à ouvrir, aussi des sortes de cuillères à miel qui mâchouillent debout. Et en fait, ça s'explique par le fait que à Bornéo et à Sumatra, de manière générale, les forêts sont assez particulières, avec une densité importante de certains arbres, des diptérocarpes, qui fructifient pas du tout en même temps. Enfin, il y a une espèce d'insynchronie, c'est un peu le bazar. Et donc, du coup, il n'y a pas suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. Sauf que tous les 4, 5, 6 ans, il y a une fructification de masse, et où là, tous les animaux viennent se goberger. Et donc, du coup, il n'y a pas suffisamment de nourriture à un même endroit pour que les orang-outans puissent vivre une vie sociale, sauf dans cette zone de marécage où là il y a peu de diptérocarpes, mais beaucoup plus de figuiers. Et là, avec des arbres des lianes surtout, qui donnent des fruits toute l'année, et les orang-outans peuvent se regrouper. Et là, justement, ils ont cette fabrication d'outils assez importante. Tous les grands singes sont outillés? Qu'est-ce que vous entendez par outil? Est-ce que tous les grands singes sont capables de produire des outils, de fabriquer, d'utiliser des outils? Ben justement, on craignait que Laurent Houtan ne le fasse pas, alors qu'on constatait à quel point il le faisait en captivité. Oui, absolument. Mais il n'y a d'ailleurs pas que les grands singes. Il y a énormément d'animaux. Il y a les loutres, il y a des tas d'oiseaux. Mais l'obsession pour nous hommes que c'est le travail, ce dont me parlait effectivement très justement Emmanuel. On est défini par le travail et on a défini le grand singe et son intelligence à travers le travail, donc l'outil. Mais il y a bien d'autres formes d'intelligence. Mais oui, tous pratiquent. Et c'est vrai qu'ils vont plus loin que la loutre, par exemple, qui juste utilise un caillou ou un autre coquillage pour ouvrir ses autres coquillages et ses oursins. On peut parler des corbeaux aussi, qui savent utiliser. Les corbeaux, comme les grands singes, par contre, eux vont façonner un outil et on a une standardisation des outils. Et donc, pour une tâche précise, tous les outils vont se ressembler. Voilà. Et alors après, ça va encore plus loin. Alors, on a des outils pour pêcher les termites, les fourmis. Et selon les espèces, pour les termites, l'outil va faire 28 cm de long. Pour les fourmis maniants, qui sont un petit peu plus pugnaces, ça va faire 50 à 60 cm de long. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une standardisation. Complètement. Voilà, il y a une production standard d'un outil. Et standard. Après, on a des kits d'outils. Là, récemment, il y a eu des découvertes en Afrique centrale où les chimpanzés vont utiliser jusqu'à 4 outils différents pour atteindre du miel. D'abord, une sorte de bélier pour percer la ruche, en fait. Ensuite, un autre outil, pareil, une branche pour agrandir le trou. Et puis, des cuillères à miel pour aller chercher véritablement le miel à l'intérieur. Donc là, c'est une succession d'outils, ce qui est une planification déjà quand même assez complexe, d'autant plus qu'ils amènent les outils sur place. Donc, on est vraiment dans une... Voilà, cognitivement, on est dans quelque chose de très complexe. Voilà. Est-ce que ça fait sens, est-ce que ça a un intérêt de signifier que les grands singes ont atteint, comme j'ai pu le dire, l'âge de pierre? Marie-Claude Bonnecel. Qu'est-ce que l'âge de pierre d'abord? C'est un autre problème. Je pense, moi, qu'ils sont plus évolués que l'âge de pierre parce qu'il y a bien d'autres choses derrière leur cognition. On va sans doute en parler, la reconnaissance de l'individu, la théorie de l'esprit. Alors, parlons de la théorie de l'esprit, justement, parce que c'est assez récent pour le coup. Voilà. Trois espèces, enfin, gorille, orang-outan, chimpanzé. Alors, le gorille a été très longtemps poussé un peu, lui, dans les idiots de la théorie de l'esprit. D'accord. Chacun, voyez, est assez poussé là-dedans. En gros, oui, c'est dire à « je sais que tu sais qu'il sait », c'est-à-dire attribuer des pensées à l'autre différentes des siennes. Il semble de plus en plus fréquent, mais ça nous semblait, nous, évident, quand on travaille en parc zoologique, que les animaux ont tout à fait conscience que l'autre a un esprit différent. Si je ne vous prends, puisque vous m'avez lancé sur des nets, on pourrait faire 3 heures là-dessus. Si je ne vous prends Nénette, elle avait une façon tout à elle de voir où je regardais, de faire semblant, de me voler pendant ce temps-là des choses dans les poches ou un collier que j'avais, tout en sachant très bien que ça n'était pas la même façon que nous avions de voir les choses pour cela. Ils ont évidemment une théorie de l'esprit, ils savent que l'autre sait des choses. Par contre, la troisième, je sais que tu sais, oui, ça c'est certain, qu'il sait, que la troisième personne sait, c'est leur est plus difficile d'atteindre ce degré. Et c'est vrai que là où c'est intéressant, c'est qu'après, ça va amener à des stratégies de tromperie aussi. Ce qui a été aussi montré chez d'autres espèces que les grands singes, en particulier les babouins. Et justement, ce qu'on appelle l'intelligence machiavélienne. Et on peut parler aussi, par exemple, de la politique chez les grands singes, qui ont été vraiment... Enfin, sujet qui a été beaucoup étudié, notamment par Franz De Waal, et qui est absolument fascinant. Alors dites-nous-en un mot, justement, parce que c'est effectivement absolument fascinant. Surtout chez les chimpanzés, c'est incroyable. Chez les chimpanzés, c'est incroyable. Mais il y a plein d'anecdotes. Il y en a une que j'aime bien qui pourra parler juste de montrer ce que ça peut être, cette politique. Donc là, on est vraiment en milieu sauvage, dans la forêt de Gombe, où travaillait Jane Goodall. Et parmi cette communauté, il y avait un petit chimpanzé qui s'appelait Mike, qui était un peu gringalet, mais qui rêvait quand même d'accéder au statut de mâle alpha. Mais bon, sa musculature ne lui permettait pas tout à fait d'être... Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, pendant que les autres faisaient la sieste, il a été vers le campement donc de Jane Goodall et il a récupéré, à l'époque ils utilisaient des bidons de kérosène métallique, et il en a pris autant qu'il pouvait dans les mains, dans les pieds, et il a été jusque la clairière où tous les autres faisaient la sieste, et il est arrivé en courant et en les entrechoquant violemment entre eux. Ça a créé une surprise et une frayeur telle que finalement il a réussi à bluffer tous les autres et à accéder au statut de mâle alpha et à diriger le groupe. Est-ce que les grands singes ont une capacité d'abstraction? Je voulais dire savoir compter. Une capacité somme. d'abstraire oui, des concepts. Ça, indiscutablement, de toute façon, ils ont Marie-Claude beaucoup travaillé en laboratoire et on sait à quel point ils peuvent utiliser des abstractions qu'on leur crée, des lexigrammes qui leur permettent de communiquer soit entre eux, à partir du moment où on leur a appris, soit avec l'homme. Donc il n'y a aucun problème. De même qu'on sait qu'ils peuvent compter. Tout au moins, ils connaissent les nombres. Ils ont du mal avec les décimales, les multiplications, les soustractions. Mais ils connaissent parfaitement la croissance et décroissance des mondes et ils vont beaucoup plus vite, particulièrement en laboratoire, que l'être humain. Sur les Japonais et tout, ils sont tout à fait capables de cela. Oui, c'est impressionnant. Bah, il y a eu toutes ces études sur les singes parlants, parce qu'il y a eu tout ce mythe, justement, lié aussi au langage. C'était l'étape d'après à laquelle je voulais vous amener. On en est où de la connaissance du langage des grands singes? Et du coup, parce que le langage, c'était encore une de ces barrières, et celle qui résiste encore, on va dire, un petit peu. Mais il y a eu toutes ces études sur les singes parlants. Alors, au début, elles ont un peu buté, parce qu'on voulait leur apprendre un langage parlé. Or, le larynx, c'est pas au même niveau, et donc, du coup, ils peuvent pas articuler des sons comme nous. Et après, les chercheurs se sont tournés vers des langages artificiels, le langage des signes, mais aussi des lexigrammes et le biais des ordinateurs. Et les résultats sont juste totalement fascinants. Et c'est vrai que pour ce qui est des capacités de numérique, les études de l'équipe de Tetsuro Matsuzawa à l'université de Kyoto sont juste fabuleuses. Vous êtes en face d'un chimpanzé, en particulier Ai, qui est cette femelle qu'il étudie depuis des années. Et sur l'écran, vous avez ces chiffres. Il reste quelques secondes et puis... Elle les remet dans l'ordre. Vous n'avez même pas réussi à en mettre quatre les uns derrière les autres. Et elle a fini, elle a réussi. Et là, vous vous dites, ah bah mince. Et là, l'interprétation de Matsuzawa, c'est que justement, pour eux, cette mémoire photographique est absolument cruciale dans leur milieu parce que, voilà, ils sont obligés de savoir exactement où sont les arbres fruitiers, où sont les sources de nourriture. Alors, pour les chimpanzés, il y a aussi le fait qu'ils chassent avec des compétences particulières parce que c'est une coordination importante pour chasser des colobes, des petits singes, avec pareil un degré de complexité très important, et cette mémoire photographique dans leur quotidien, elle est beaucoup plus importante qu'elle n'est devenue pour nous dans nos vies citadines. Avec une classification plus rapide, si je puis dire, des êtres et des choses, parce qu'ils n'ont pas besoin de la réflexion, c'est la survie qui leur a donné cette faculté. Et effectivement, quand en plus, en laboratoire, on leur apprend, soyons honnêtes, ils ont que ça à faire en plus, et comme ils ont des possibilités beaucoup plus grandes, beaucoup d'études étudiants se sont sentis complètement idiots quand ils ont essayé de se mesurer péniblement au calcul mental des chimpanzés, même si le chimpanzé n'a pas totalement compris l'intérêt, car il en manque quand même la grammaire, l'intérêt de la division, de la multiplication et tout. Mais et une certaine capacité d'abstraction malgré tout. Oui, elle est limite, mais on dit que c'est 3-4 ans, c'est pas vraiment ça, c'est plus complexe que ça. On dit que c'est l'âge de 3-4 ans, c'est plus complexe que ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la nature, parce que là, c'est les expériences en laboratoire, mais dans la nature, dans la vie sauvage, ils utilisent aussi des formes de communication symbolique, en particulier à Taï, en Côte d'Ivoire. Ils tambourinent sur les racines contreforts des arbres avec des codes. Christophe Bosch avait montré ça il y a quelques années. Selon le rythme des tambourinements, c'était on va faire une pause ou on prend cette direction-là. Donc là, on est déjà Donc quand une même. Forme de langage élaboré. Oui, on est quand même déjà dans le langage. Quel est, en quelques mots, selon vous, l'une et l'autre, quelle est la limite infranchissable? Quel est le moment où on bute et où on ne peut pas aller plus loin dans l'apprentissage en laboratoire? Quel est le mur auquel se confronte l'intelligence? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'infranchissable? C'est le moment où les capacités intellectuelles butent et s'arrêtent. À votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose, un mur qu'on pourrait représenter, Marie-Claude Bonsel? C'est très difficile comme question. Ça, je ne peux pas y répondre parce que vous mettez ces singes dans un environnement artificiel. Et donc, ils vont buter dans quelque chose qui ne leur convient pas. Ils ont quand même un passé, on en a parlé, tout à fait différent d'une autre. Donc, ça me semble difficile de dire il s'arrêtera là par rapport à notre monde d'hommes, parce que si je vous place vous en pleine forêt équatoriale, ça s'arrêtera à un moment donné très rapidement. Plus vite. Peut-être moins vite que ce que vous imaginez. Oh, je ne sais pas, nous allons J'étais en Malaisie l'été dernier, je suis resté quelques jours dans la jungle et ça, je m'en suis pas si mal sorti. Ah non, vous êtes parmi les plus doués des élèves. Mais c'est pour ça que On est toujours un peu gêné puisqu'on sait que les premières expériences qui ont été faites et qui ont conduit d'ailleurs parfois à des drames comme Kanzi, comme beaucoup de singes au laboratoire qui par contre ont été perdus, qui deviennent à force de travailler auprès des hommes mi-singes, mi-hommes, ils butent parce qu'arrive l'époque, j'allais dire, de la puberté, d'un autre intérêt. Il leur manque énormément de choses au point de vue d'intelligence affective, allais-je dire, et façon d'être. Ils ne savent plus où ils sont. Et on dit à ce moment-là, ils butent sur l'intelligence. Non, ils butent parce qu'on les a mis dans des conditions désastreuses. Il y a une enfance très longue et un apprentissage très long qui fait que c'est difficile pour moi, tout au moins, de répondre à cette question. Peut-être qu'Emmanuel... Je pense qu'on peut difficilement y répondre parce qu'ils sont pleins de surprises. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est ces singes qu'on a utilisés par la NASA dans les années 60, au moment du programme lunaire. Et ils ont montré des capacités juste incroyables. Donc, ils étaient entraînés à piloter un petit module. Donc, le premier, AM, y est arrivé, il a été en orbite, etc. Il est revenu sur Terre. Et le deuxième, Enos, quand il a été envoyé en novembre 1961, en fait, il y a eu une fuite de kérosène et ça a dévié la capsule de sa trajectoire. Bon, il avait appris les manœuvres à réaliser pour la ramener sur la bonne trajectoire, mais en parallèle, le système de punition-récompense était inversé, donc à chaque fois qu'il faisait une bonne manip, il recevait une décharge électrique, et malgré ça, il a réussi à ramener la capsule sur Terre, et quand les ingénieurs de la NASA ont voulu reproduire ce qu'il avait fait, ils ont dit, mais c'était insoutenable, les chocs électriques qu'il recevait, parce qu'ils allaient crescendo, et il a quand même ramené, parce que pour eux, l'interprétation, c'est qu'il était persuadé que c'était la bonne chose à faire, et donc, il a résisté au système récompense tout ça, et punition. Voilà, c'est peut-être l'anecdote qui me permettrait de dire que finalement, on ne sait pas. Emmanuel a très justement dit, il y avait aussi une époque où c'était un peu de dressage forcé, si je puis dire, avec punition, récompense, on les récompense encore avec de la nourriture et tout. C'est assez complexe parce qu'on les met dans des situations, j'allais dire, de quémander pour avoir une reconnaissance. Donc on ne peut pas vraiment juger. Paradoxalement, en parc zoologique, on voit parfois aussi beaucoup de comportements étonnants qui n'ont aucun rapport justement d'altruisme, d'intelligence, de démonter alors qu'on ne leur apprend pas et tout, qui nous étonne de nous-mêmes, parce qu'on n'essaye pas de leur faire des expériences. Vous savez, on a tellement de discussions sur l'éducation de nos enfants, et les grands singes, on leur fait là des systèmes, à l'époque, de punition qui sont terribles, et ils passent quand même outre. Un enfant ou un homme aurait peut-être abandonné. On pourrait dire donc à ce moment-là qu'ils sont beaucoup plus intelligents. C'est vraiment difficile. Vous avez écrit, et puis j'aimerais qu'on garde les quelques minutes qui nous restent pour parler un peu de leur survie, puisqu'on le disait en tout début d'émission, 4 des 6 espèces de grands singes sont en danger imminent d'extinction. Vous avez écrit tout de même dans votre livre, Marie-Claude Bomsel, la seule vraie différence entre l'homme et les autres animaux, ce sont les larmes. Oui, alors ça c'est autre chose, c'est parce que c'est une des différences dont Darwin d'ailleurs avait parlé, parce qu'on dit le rire est le propre de l'homme. Non, ça, alors il y a énormément d'animaux qui rient, et les grands singes tout particulièrement, et voilà, et qui arrivent même à rire en situation. Il m'est arrivé de me faire moquer de la célèbre nénette quand je trébuchais à ma mine, pas parce que je trébuchais, mais à voir ma tête, je la voyais glousser. Bon, cette grosse mémé, comme vous m'avez dit en off. Ah, c'est pas moi. Mais effectivement, je ne l'ai jamais vu pleurer personne. Enfin, on en a vu, je crois, un bonobo pleurer. Oui, une fois, on n'a pas trop attribué larme en situation. Tout simplement parce que dans la nature, vous ne pouvez pas montrer votre faiblesse et que les larmes, c'est montrer le bout de sa faiblesse. À partir de ce moment-là, il y a la compassion et tout. Ça, en nature, vous ne pouvez pas. Ils n'ont pas encore vraiment totalement franchi ce cap parce que c'est avouer la faiblesse complète de l'individu. Pour conclure cette émission donc sur les conditions de survie de ces grands singes aujourd'hui, je dis, selon l'Union internationale de conservation de la nature, 4 espèces de grands singes, gorilles de l'Est, de l'Ouest, orang-outans, Bornéo, Sumatra, à un pas de l'extinction. Aujourd'hui, tous les grands singes sont vraiment menacés de mort imminente, Emmeline Grundmann. Oui, c'est vrai que inutile de se voiler la face. C'est vrai qu'ils sont tous dans une situation assez critique du fait essentiellement de la disparition de leur habitat. Alors pour des raisons qui sont variées, l'utilisation du bois, donc l'exploitation du bois, l'exploitation minière, et puis la conversion des forêts en plantations industrielles, en particulier en ce qui concerne les orang-outans, en plantations de palmiers à huile, mais qui arrivent aussi sur le continent africain depuis quelques années. Et parallèlement à cette déforestation, la hausse du braconnage, le trafic de viande de brousse, en particulier en Afrique, un petit peu en Asie, mais un petit peu moins qu'en Afrique centrale. Et puis puis là-dessus se greffent aussi des épidémies comme Ebola qui a décimé jusqu'à 80% des effectifs de certaines populations de gorilles ou de chimpanzés ces dernières années. Et c'est vrai que oui, le futur n'est pas très brillant pour ces espèces de grands singes. Et tant que les forêts en particulier ne seront pas préservées, que leur habitat ne sera pas protégé, il est difficile de penser qu'ils pourront survivre dans le prochain demi-siècle ou le prochain siècle à venir. Quid des sanctuaires, Marie-Claude Bomsel par exemple, on sait qu'à Bornéo, il y a un sanctuaire d'orang-outan qui a été établi par la Malaisie, enfin il y a quand même quelques sanctuaires. Il y a sanctuaires et sanctuaires, le problème est là, il y a beaucoup de sanctuaires qui sont ensemble des refuges d'animaux qui ont été trafiqués, dont les gens se sont amusés et qu'on remet en sanctuaire et qui ont énormément de difficultés à retourner dans la forêt qui s'est elle-même dégradée, et puis toute leur jeune enfance, ils ont perdu quand même les réflexes vitaux. Il y a les sanctuaires, bon, on va revenir là, vous voyez, on a démarré par ça, comme au Rwanda et autres, qui sont des zones protégées, où il faudra faire, et alors là, c'est très difficile à dire, mais un écotourisme effectivement privilégié, riche, mais qui permet à ce moment-là d'amener aux populations locales de l'argent. Par exemple, pour aller au Rwanda, vous payez actuellement 750 € pour une heure seulement avec les gorilles, ça fait beaucoup d'argent, mais cet argent est réparti pour la préservation de la forêt, pour les gardes, mais surtout pour les écoles, pour l'éducation, pour tout ça. Donc c'est une solution, effectivement, mais ça reste une parcelle et c'est quand même sujet à n'importe quelle guerre. Au Congo, à côté du Rwanda, il y a des guerres, ou à une industrie prospère, comme disait Emmanuel, de pâte à papier ou d'huile de palme ou d'intérêt immédiat économique. Et c'est quand même très, très, très, très difficile de penser qu'ils ont une chance quelconque de passer le 21e siècle si nous, les hommes, nous ne réfléchissons pas. Un mot, puisqu'on arrive vraiment à la fin, sur la question de l'attribution d'une personnalité juridique au grand singe, ça pourrait changer les choses, Emmanuel Grunemann ? Alors, c'est une question intéressante. Je pense qu'en quelques minutes, c'est un peu juste, mais... Essayons quand même. Ça peut être intéressant. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce qui puisse résoudre le problème, d'autant plus qu'après, ça pose d'autres questions éthiques. Pourquoi les grands singes? Pourquoi pas les dauphins? Pourquoi pas les corbeaux? Pourquoi pas les éléphants? Donc, du coup, c'est un peu... je suis pas sûre que ce soit vraiment la solution. Enfin, à mon avis, la solution réside vraiment dans la protection des espaces naturels. Et justement, pour l'instant, on en est encore assez loin. Et c'est vrai que toutes les solutions comme celles-ci sont plus, presque anecdotiques. Je dis pas qu'elles sont pas dénuées d'intérêt, mais c'est comme on parlait des sanctuaires, des centres de réhabilitation, de réintroduction. En fait, tout ça, c'est né du braconnage. C'est une sorte de pansement, mais on guérit pas la plaie, en fait. Et la plaie majeure reste la destruction de cet habitat dans les zones tropicales, qui est vraiment quelque chose de majeur et qui a besoin que tout le monde se mobilise pour qu'il puisse continuer à survivre. Eh bien, ce sera le mot de la fin, un peu pessimiste certes, mais le mot de la fin tout de même. Il faudrait penser aux droits de tous les animaux, y compris en France. Tout à fait. Voilà. Eh bien, on fera une émission spéciale sur le droit des animaux et sur l'intelligence des animaux. De mémoire, c'est dans une quinzaine de jours. Merci beaucoup à toutes les deux, Emmanuel Grunemann. On peut retrouver un livre, Le secret des grands singes, audition Akela, Marie-Claude Bomsel, auteur de Mon histoire naturelle vétérinaire auprès des animaux sauvages. C'est aux éditions Artaud. Et si vous voulez lire un magnifique récit également sur la sauvegarde des chimpanzés, et plus que ça, je vous suggère vivement de lire American Darling de l'auteur canadien Russell Banks, qui est une merveille de récit. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Léo Quentin, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique aujourd'hui Pierrick Monsigny, et au droit d'auteur Cyril Zvetosevitch. Dans un instant, le journal de 8h, on se retrouve samedi prochain à 7h, jusqu'à preuve du contraire.